a des tas de citoyens amoureux de la nature et qui n'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature la rive où fleurit l'oranger. Ils rêvent que de s'en aller dans les Landes en Bretagne ou dans les auberges à coups de fusil, sans se douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Y a pas de riches et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil. Ses trois pots de géranium et sa part de soleil sur la zone. On n'a pas des palaces en marbre de Carrare avec des dorures au balcon. On habite une cabane faite en boîte à cigares avec une toiture en carton. Y a pas besoin de crâner dans son automobile pour qu'une poule vous tombe dans les bras. Les amours sont moins chers et beaucoup plus faciles qu'avec les stars de cinéma. Sur la zone, y a pas de sable jaune, ni de parasol, ni de mer d'azur. On s'invite à bouffer de la frite autour d'un grand quille de vin pur. Sous la brise, on peut de la saguise, s'endormir à poil au soleil, tout comme les nudistes à Nice ou au soleil, sur la zone. Y a des clebs qui s'engueulent à travers les clôtures, des oies, des pigeons, des canards, des poules qui tranquillement s'en vont à l'aventure, mais pas comme celles des grands boulevards. Les savants qui voudraient étudier nos coutumes seraient bien obligés de constater que la grenouille du trottoir et le poisson du bitume n'arrivent pas à s'acclimater. Sur la zone, bien sûr que la faune n'est pas celle de tous les pays. On y chasse en guise de bécasse du rat, de la puce et de la souris. On pratique les jeux athlétiques et les sports qui piquent à la fois. On a des balançoires, un tiré des chevaux de bois sur la zone. Il y a des tas d'ambitieux qui s'acharnent à la peine pour ramasser 300 000 francs. De quoi s'acheter plus tard un castel en Touraine, faut vraiment pas être au courant. Y'a qu'à s'amener comme ça, simplement un dimanche, avec des planches et des outils, pour se construire soi-même sa villa des pères branches, où son petit chalet, ça me suffit. Sur la zone, c'est le péril jaune, les moutards poussent comme du chinois. On oublie l'hydrothérapie, quand on prend son eau sur son toit. Faut s'y faire et chez les aunières, on chuchote en se montrant des doigts. Celles qu'on porte tous les ans, de bougingues à la fois, sur la zone.